suceuse, c'est complètement crado. Buveuse, c'est forcément barjo. Sûrement, dans le rap, y'a des travelots. Sniff la bande d'eau fournie par John Doe. Si, si, t'en reviendras pas de sitôt. S'il y a du shit et du whisky, je deviens Al Pacino. Fils, c'est nocif. Oui, c'est toxique. On va déboîter le coccyx de coccyx. Du bon lait, du boursin, viens branler mon oursin. Je veux lécher des bouts de sein, t'étouffer sous le coussin. 25G, mon cousin, avec le chojojo. Pistolet, sous le couffin, je veux m'abreuver. Gros lolo, c'est ton petit baratin. Y'a Yoni, y'a la dinde, je viens des bris, sale catin. Je mène une vie sarrasin, j'ai le spliff à la main. Je suis le beurre à moustache, j'ai un style d'assassin. Je mets du cœur à l'ouvrage, ton string est sale, va te changer. Y'a pas d'heure pour manger, tu patonnes, va te s'agir. Tu pues de la gueule, t'as de l'air fesse. Y'a pas d'heure pour se faire plaise avec un couscous merguez. Ton string est sale, va te changer. Y'a pas d'heure pour manger, tu patonnes, va te s'agir. Tu pues de la gueule, t'as de l'air fesse. Y'a pas d'heure pour se faire plaise avec un couscous merguez. Joker, nique tasse. Serre un verre de whisky à ton derrière, mais je le casse. T'es une tasse pour la tasse de foot, pas de foot. La levrette sur la poutre, sur tes lèvres, la sifflette, mais de la poudre. J'ai la gnaque qui arrache ton pas. A quatre pattes, t'es en pâte, la gainage sous la patte. Laisse mes wads, la caillera, elle t'appaille. Ça va être ton tum-tum, les you voix volent tes bagues. Ça va être ton rectum, on le voit quand tu bailles. Les talons sans son sexe, de son froc. Les talons dans la chèque, ça se pote. La carotte se dresse dans les saucisses. Jette ta don, ta tête, quand les poches pitchent. Laisse ma viande au volant agonisé. Voilà. Elle m'a grande ton colon agonisé. Voilà. Ça se les branche sur les colons d'Alizet. J'ai la clique et la sauce. C'est pas de frites, c'est pas sauce. Ton string est sale, va te changer. Y'a pas d'heure pour manger. Tu patonnes, va te s'agir. Tu pues de la gueule, t'as de l'air fesse. Y'a pas d'heure pour se faire plaise avec un couscous merguez. Ton string est sale, va te changer. Y'a pas d'heure pour manger, tu patonnes, va te s'agir. Tu pues de la gueule, t'as de l'air fesse. Y'a pas d'heure pour se faire plaise avec un couscous merguez. Je me crois pas au-dessus des lois. Même les grosses putes des bois ont kiffé le clip dessus, c'est moi. Je marche avec des purs beurs destructeurs, des puces, leurs de jeunes putes, on se rase avec des cutters. Que de la soie, du satin, je veux avoir du parfum, du champagne, de la son bois, nous on boit tôt le matin. Frotte ma lampe d'Aladin, n'oublie pas, faire un vœu. Moi je chante à la quinte, des petites garces lèchent un peu. Névrosées, explosées, qui viennent te déflorer, estropier, les mocher, déposer, les lover. Ah, baste. Ratatatata, plein d'oeil. Moi c'est le rap fou. Toi tu te franchis, tu me niques les ratatouilles. Gagne ça ma goût. Rallons les poches, mais les ratatouilles mes boules. Salope. Quand je pèse, malheureusement les draps sont trop souillés. Sois tranquille et un peu grassouillé. Ton clito chatouillé, ta pigo va mouiller. Ton string est sale, va te changer, sale traîné. Y'a pas d'heure pour manger, tu bâtons, va te s'agir. À l'infu, ton capu est ta chenille. Mon souci, tu l'as vu, renif, mon calfouet. Ton string est sale, va te changer. Y'a pas d'heure pour manger, tu bâtons, va te s'agir. Tu pues de la gueule, t'as de l'air fesse. Y'a pas d'heure pour se faire plaise avec un couscous merguez. Ton string est sale, va te changer. Y'a pas d'heure pour manger, tu bâtons, va te s'agir. Tu pues de la gueule, t'as de l'air fesse. Y'a pas d'heure pour se faire plaise avec un couscous merguez. Complètement cintré, on est en Inde. Viston, tu vas te faire pister par Al Capote et 25G. Néochrome, Al Capote, 25G. Yoni, des bombes à retardement, prêts pour le rechargement. Nous, on encule le Parlement. Néochrome, il va tous vous enculer, bande de petites putes.